بسم الله الرحمن الرحيم طه Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Tahaha. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. Nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. إلا تذكرة لمن يخشى. Si ce n'est qu'un rappel pour celui qui redoute Allah. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. Et comme une révélation émanant de celui qui a créé la terre et les cieux sublimes. الرحمن على العرش استوى. Le tout miséricordieux s'est établi, Istawa, sur le trône. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. À lui appartient ce qui est dans les cieux, sur la terre, ce qui est entre eux, et ce qui est sous le sol humide. Et si tu élèves la voix, il connaît certes les secrets, même les plus cachés. Allah la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Allah, point de divinité que lui, il possède les noms les plus beaux. Wa hal ataka hadith Musa. Le récit de Moïse t'est-il parvenu? إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. Lorsqu'il vit du feu, il dit à sa famille: Restez ici. Je vois du feu de loin, peut-être vous en apporterai-je un tison, ou trouverai-je auprès du feu de quoi me guider. Puis lorsqu'il y arriva, il fut interpellé. Moïse. Inni ana rabbuka fakhla' 'alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa. Je suis ton Seigneur, enlève tes sandales car tu es dans la vallée sacrée Tuwa. Wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha. Moi je t'ai choisi, écoute donc ce qui va être révélé. Innani أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. Certes, c'est moi Allah. Point de divinité que moi. Adore-moi donc et accomplis la salat pour te souvenir de moi. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. L'heure va certes arriver. Je la cache à peine pour que chaque âme soit rétribuée selon ses efforts. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. Que celui qui n'y croit pas et qui suit sa propre passion ne t'en détourne pas. Sinon, tu périras. Et qu'est-ce qu'il y a dans ta main droite, ô Moïse ? Il dit : C'est mon bâton sur lequel je m'appuie qui me sert à effeuiller les arbres pour mes moutons, et j'en fais d'autres usages. Allah lui dit : Jette-le, ô Moïse. فألقاها فإذا هي حية تسعى. il le jeta, et le voici un serpent qui rampait. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. Allah dit, saisis-le et ne crains rien. Nous le ramènerons à son premier état. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. Et serre ta main sous ton aisselle. Elle en sortira blanche, sans aucun mal, et ce sera là un autre prodige. Afin que nous te fassions voir de nos prodiges les plus importants. Rends-toi auprès de Pharaon, car il a outrepassé toute limite. Moïse dit, Seigneur, ouvre ma poitrine et facilite ma mission et dénoue un nœud en ma langue afin qu'il comprenne mes paroles et assigne-moi un assistant de ma famille. Haroun, akhi. Aaron, mon frère. Ushdud bihi azri. Accrois par lui ma force. Wa ashrikhu fi amri. Et associe-le à ma mission. Kay nusabbihaka kathira. Afin que nous te glorifions beaucoup et que nous t'invoquions beaucoup. Et toi, certes, tu es très clairvoyant sur nous. Allah dit, ta demande est exaucée, ô Moïse. ولقد مننا عليك مرة أخرى. Et nous t'avons déjà favorisé une première fois. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. Lorsque nous révélâmes à ta mère ce qui fut révélé. أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. Mets-le dans le coffret, puis jette celui-ci dans les flots pour qu'ensuite le fleuve le lance sur la rive. Un ennemi à moi et à lui le prendra. Et j'ai répandu sur toi une affection de ma part, afin que tu sois élevé sous mon œil. فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. Et voilà que ta sœur te suivait en marchant et disait, puis-je vous indiquer quelqu'un qui se chargera de lui? Ainsi nous te rapportâmes à ta mère, afin que son œil se réjouisse et qu'elle ne s'afflige plus. Tu tuas ensuite un individu. Nous te sauvâmes des craintes qui t'oppressaient et nous t'imposâmes plusieurs épreuves. Puis tu demeuras des années durant chez les habitants de Madian. Ensuite tu es venu, ô Moïse, conformément à un décret. واصطنعتك لنفسي et je t'ai assigné à moi-même. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. Pars, toi et ton frère, avec mes prodiges. Et ne négligez pas de m'invoquer. اذهبا إلى فرعون إنه طغى. Allez vers Pharaon, il s'est vraiment rebellé. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Puis parlez-lui gentiment. Peut-être se rappellera-t-il ou me craindra-t-il. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. Ils dirent Ô notre Seigneur, nous craignons qu'il ne nous maltraite indûment ou qu'il dépasse les limites. Il dit, Ne craignez rien, je suis avec vous, j'entends et je vois. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. Allez donc chez lui, puis dites-lui, nous sommes tous deux les messagers de ton Seigneur. Envoie donc les enfants d'Israël en notre compagnie et ne les châtie plus. Nous sommes venus à toi avec une preuve de la part de ton Seigneur, et que la paix soit sur quiconque suit le droit chemin. Inna qad ouhiya ilayna anna al-'adhab 'ala man kadhaba wa tawalla. Il nous a été révélé que le châtiment est pour celui qui refuse d'avoir foi et qui tourne le dos. قال فمن ربكما يا موسى؟ Alors Pharaon dit, qui donc est votre Seigneur, ô Moïse? قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. Notre Seigneur, dit Moïse, est celui qui a donné à chaque chose sa propre nature, puis l'a dirigée. قال فما بال القرون الأولى؟ Qu'en est-il donc des générations anciennes, dit Pharaon. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. Moïse dit, La connaissance de leur sort est auprès de mon Seigneur dans un livre. Mon Seigneur ne commet ni erreur ni oubli. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. C'est lui qui vous a assigné la terre comme berceau, et vous y a tracé des chemins, et qui du ciel a fait descendre de l'eau avec laquelle nous faisons germer des couples de plantes de toutes sortes. كلوا وارعوا أنعامكم. إن في ذلك لآيات لأولنها. Mangez et faites paître votre bétail. Voilà bien là des signes pour les doués d'intelligence. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. C'est d'elle la terre que nous vous avons créée, et en elle nous vous retournerons. et d'elle nous vous ferons sortir une fois encore. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. Certes, nous lui avons montré tous nos prodiges, mais il les a démentis et a refusé de croire. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. Il dit: Es-tu venu à nous, ô Moïse, pour nous faire sortir de notre terre par ta magie? فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَى. Nous t'apporterons assurément une magie semblable. Fixe entre nous et toi un rendez-vous auquel ni nous ni toi ne manquerons. Dans un lieu convenable. Alors Moïse dit : Votre rendez-vous, c'est le jour de la fête, et que les gens se rassemblent dans la matinée. Pharaon donc se retira. Ensuite, il rassembla sa ruse, puis vint au rendez-vous. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. Moïse leur dit : Malheur à vous, ne forgez pas de mensonges contre Allah, sinon par un châtiment il vous anéantira. Celui qui forge un mensonge est perdu. Là-dessus, ils se mirent à disputer entre eux de leur affaire et tinrent secrète leur discussion. إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. Ils dirent : Voici deux magiciens qui par leur magie veulent vous faire abandonner votre terre et emporter votre doctrine idéale. Rassemblez donc votre ruse, puis venez en rang serré, et celui qui aura le dessus aujourd'hui aura réussi. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. Ils dirent : Ô Moïse, ou tu jettes le premier ton bâton, ou que nous soyons les premiers à jeter. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. Il dit : Jetez plutôt. Et voilà que leurs cordes et leurs bâtons lui parurent rampés par l'effet de leur magie. فأوجس في نفسه خيفة موسى. Moïse ressentit quelque peur en lui-même. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. Nous lui dîmes : N'aie pas peur, c'est toi qui auras le dessus. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر. Jette ce qu'il y a dans ta main droite, cela dévorera ce qu'ils ont fabriqué. Ce qu'ils ont fabriqué n'est qu'une ruse de magicien, et le magicien ne réussit pas, où qu'il soit. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. Les magiciens se jetèrent prosternés, disant « Nous avons foi en le Seigneur d'Aaron et de Moïse. » قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. Alors Pharaon dit, avez-vous cru en lui avant que je ne vous y autorise? C'est lui votre chef qui vous a enseigné la magie. Je vous ferai sûrement couper mains et jambes opposées, et vous ferai crucifier au tronc des palmiers, et vous saurez avec certitude qui de nous est plus fort en châtiment et qui est le plus durable? Par celui qui nous a créés, dirent-ils, nous ne te préférerons jamais à ce qui nous est parvenu comme preuve évidente. Décrète donc ce que tu as à décréter, tes décrets ne touchent que cette présente vie. Inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma akrahtana alayhi min as-sihr wallahu khayrun wa abqa. Nous croyons en notre Seigneur afin qu'il nous pardonne nos fautes ainsi que la magie à laquelle tu nous as contraints. Et Allah est meilleur et éternel. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. Quiconque vient en criminel à son Seigneur aura certes l'enfer où il ne meurt ni ne vit. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. Et quiconque vient auprès de lui en croyant, après avoir fait de bonnes œuvres, voilà donc ceux qui auront les plus hauts rangs. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. Les jardins du séjour éternel, sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement, et voilà la récompense de ceux qui se purifient de la mécréance et des péchés. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ. Nous révélâmes à Moïse, pars la nuit à la tête de mes serviteurs, puis trace-leur un passage à sec dans la mer, sans craindre une poursuite et sans éprouver aucune peur. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ. Pharaon les poursuit avec ses armées. La mer les submergea bel et bien. وأضل فرعون قومه وما هدى. Pharaon égara ainsi son peuple et ne le mit pas sur le droit chemin. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. Ô enfants d'Israël, nous vous avons déjà délivrés de votre ennemi, et nous vous avons donné rendez-vous sur le flanc droit du mont, et nous avons fait descendre sur vous la manne et les cailles. كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى. Mangez des bonnes choses que nous vous avons attribuées, et ne vous montrez pas ingrats, sinon ma colère s'abattra sur vous, et celui sur qui ma colère s'abat va sûrement vers l'abîme. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. Et je suis grand pardonneur à celui qui se repent, croit, fait bonne œuvre, puis se met sur le bon chemin. وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى. Pourquoi Moïse t'es-tu hâté de quitter ton peuple ? Ils sont là sur mes traces, dit Moïse, et je me suis hâté vers toi, Seigneur, afin que tu sois satisfait. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. Allah dit, nous avons mis ton peuple à l'épreuve après ton départ, et le Samiri les a égarés. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. Moïse retourna donc vers son peuple courroucé et chagriné. Il dit, ô mon peuple, votre Seigneur ne vous a-t-il pas déjà fait une belle promesse? L'alliance a-t-elle donc été trop longue pour vous? Ou avez-vous désiré que la colère de votre Seigneur s'abatte sur vous pour avoir trahi votre engagement envers moi? أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. Ils dirent, ce n'est pas de notre propre gré que nous avons manqué à notre engagement envers toi, mais nous fûmes chargés de fardeaux d'ornement du peuple de Pharaon. Nous les avons donc jetés sur le feu, tout comme le Samiri les a lancés. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. Puis il en a fait sortir pour eux un veau, un corps à mugissement, et ils ont dit, c'est votre divinité et la divinité de Moïse. Il a donc oublié. أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا. Quoi ? Ne voyaient-ils pas que le veau ne leur rendait aucune parole et qu'il ne possédait aucun moyen de leur nuire ou de leur faire du bien ? وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي. Certes, Aaron leur avait bien dit auparavant, « Ô mon peuple, vous êtes tombés dans la tentation à cause du veau. Or c'est le tout miséricordieux qui est vraiment votre Seigneur. Suivez-moi donc et obéissez à mon commandement. » قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. Ils dirent, nous continuerons à y être attachés jusqu'à ce que Moïse retourne vers nous. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا. Alors Moïse dit, qu'est-ce qui t'a empêché, Aaron, quand tu les as vus s'égarer? أَلَّا تَتَّبِعَنِي أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي. De me suivre, as-tu donc désobéi à mon commandement? قَالَ يَا بَنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. Aaron dit, ô fils de ma mère, ne me prends ni par la barbe ni par la tête. Je craignais que tu ne dises, tu as divisé les enfants d'Israël et tu n'as pas observé mes ordres. قال فما خطبك يا سامري؟ Alors Moïse dit, quel a été ton dessein, ô Samiri? قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. Il dit, j'ai vu ce qu'ils n'ont pas vu. J'ai donc pris une poignée de la trace de l'envoyé, puis je l'ai lancé. Voilà ce que mon âme m'a suggéré. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. Va-t'en, dit Moïse. Dans la vie, tu auras à dire à tout le monde, ne me touchez pas. Et il y aura pour toi un rendez-vous que tu ne pourras manquer. Regarde ta divinité que tu as adorée avec assiduité. Nous la brûlerons, certes, et ensuite nous disperserons sa cendre dans les flots. Innama ilahukum Allah alladhi la ilaha illahu wasi'a kulla shay'in ilma. En vérité, votre seul Dieu est Allah, en dehors de qui il n'y a point de divinité. De sa science, il embrasse tout. C'est ainsi que nous te racontons les récits de ce qui s'est passé. C'est bien un rappel de notre part que nous t'avons apporté. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. Quiconque s'en détourne de ce Coran portera au jour de la résurrection un fardeau. خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. Ils resteront éternellement dans cet état, et quel mauvais fardeau pour eux au jour de la résurrection. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. Le jour où l'on soufflera dans la trompe, ce jour-là, nous rassemblerons les criminels tout bleus de peur. Ils chuchoteront entre eux. Vous n'êtes restés là que 10 jours. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. Nous connaissons parfaitement ce qu'ils diront lorsque l'un d'entre eux, dont la conduite est exemplaire, dira « Vous n'êtes resté qu'un jour ». ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. Et ils t'interrogent au sujet des montagnes. Dis, mon Seigneur les dispersera comme la poussière. فيذرها قاعا صفصفا. Et les laissera comme une plaine dénudée. لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. Dans laquelle tu ne verras ni tortuosité ni dépression. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. Ce jour-là, ils suivront le convocateur sans tortuosité, et les voix baisseront devant le Tout Miséricordieux. Tu n'entendras alors qu'un chuchotement. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. Ce jour-là, l'intercession ne profitera qu'à celui auquel le Tout Miséricordieux aura donné sa permission et dont il agréera la parole. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. Il connaît ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux, alors qu'eux-mêmes ne le cernent pas de leur science. Et les visages s'humilieront devant le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum, et malheureux sera celui qui se présentera devant lui, chargé d'une iniquité. Et quiconque aura fait de bonnes œuvres, tout en étant croyant, ne craindra ni injustice ni oppression. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. C'est ainsi que nous l'avons fait descendre, un Coran en langue arabe, et nous y avons multiplié les menaces, afin qu'ils deviennent pieux, ou qu'ils les incitent à s'exhorter. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. Que soit exalté Allah le vrai souverain. Ne te hâte pas de réciter le Coran avant que ne te soit achevée sa révélation. Et dis, ô mon Seigneur, accrois mes connaissances. وَلَقَدْ عَهِدَنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدَ لَهُ عَزْمًا. En effet, nous avons auparavant fait une recommandation à Adam, mais il oublia, et nous n'avons pas trouvé chez lui de résolution ferme. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى. Et quand nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, excepté Iblis, qui refusa. فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى. Alors nous dîmes, Ô Adam, celui-là est vraiment un ennemi pour toi et ton épouse. Prenez garde qu'il vous fasse sortir du paradis, car alors tu seras malheureux. Car tu n'y auras pas faim, ni ne seras nu. Tu n'y auras pas soif, ni ne seras frappé par l'ardeur du soleil. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. Puis le diable le tenta en disant, ô Adam, t'indiquerai-je l'arbre de l'éternité et un royaume impérissable? فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. Tous deux, Adam et Ève, en mangèrent. Alors leur apparut leur nudité. Ils se mirent à se couvrir avec des feuilles du paradis. Adam désobéit ainsi à son Seigneur, et il s'égara. Son Seigneur l'a ensuite élu, agréé son repentir, et l'a guidé. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. Il dit, descendez d'ici, Adam et Ève, vous serez tous, avec vos descendants, ennemis les uns des autres. Puis, si jamais un guide vous vient de ma part, quiconque suit mon guide ne s'égarera ni ne sera malheureux. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. Il dira, ô mon Seigneur, pourquoi m'as-tu amené aveugle alors qu'auparavant je voyais? قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Allah lui dira, de même que nos signes enseignements t'étaient venus et que tu les as oubliés, ainsi aujourd'hui tu es oublié. Ainsi sanctionnons-nous l'outrancier qui ne croit pas aux révélations de son Seigneur, et certes, le châtiment de l'au-delà est plus sévère et plus durable. أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِنُّهَا. Cela ne leur a-t-il pas servi de direction que nous ayons fait périr avant eux tant de générations dans les demeures desquelles ils marchent maintenant? Voilà bien là des leçons pour les doués d'intelligence. N'eussent été un décret préalable de ton Seigneur et aussi un terme déjà fixé, leur châtiment aurait été inévitable et immédiat. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. Supporte patiemment ce qu'ils disent et célèbre sa louange avant le lever du soleil, avant son coucher et pendant la nuit. Et exalte sa gloire aux extrémités du jour. Peut-être auras-tu satisfaction. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. Et ne tends point tes yeux vers ceux dont nous avons donné jouissance temporaire à certains groupes d'entre eux comme décor de la vie présente, afin de les éprouver par cela. Ce qu'Allah fournit au paradis est meilleur et plus durable. Et commande à ta famille la salate, et fais-la avec persévérance. Nous ne te demandons point de nourriture, c'est à nous de te nourrir. La bonne fin est réservée à la piété. Et ils disent, pourquoi ne nous apporte-t-il pas un miracle de son Seigneur ? La preuve, le Coran, de ce que contiennent les Écritures anciennes ne leur est-elle pas venue ? ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. Et si nous les avions fait périr par un châtiment avant lui, Mohammed, ils auraient certainement dit « Ô notre Seigneur, pourquoi ne nous as-tu pas envoyé de messagers ? Nous aurions alors suivi tes enseignements avant d'avoir été humiliés et jetés dans l'ignominie. » قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنْ اهْتَدَى. Dis, chacun attend. Attendez donc. Vous saurez bientôt qui sont les gens du droit chemin et qui sont les bien guidés.